Continuons avec le conditionnel et le verbe pouvoir. Par exemple, comment dit-on « je ne pourrais pas vous dire pourquoi maintenant » au conditionnel. Non potrei dirle perché ora. Non potrei dirle perché ora, c'est ça. Non potrei dirle perché ora. Maintenant, vous allez demander « pourriez-vous me dire pourquoi ?» Potrebbe dirmi perché ? Oui, voilà, potrebbe. Vous prenez ce porte-manteau et vous y accrochez l'infinitif, tout simplement. Potrebbe dirmi perché ? Pourriez-vous me dire pourquoi ? En français, on peut dire soit « pourriez-vous me dire ?» par exemple « pourriez-vous me dire où il est ?» soit, plus directement, « pouvez-vous me dire où il est ?» Commençons par « pouvez-vous me dire où il est ?» Comment diriez-vous ça ? Pouvez-vous. Può. Oui. Può dirmi dov'è ? Oui, può dirmi dov'è. L'autre possibilité, c'est « pourriez-vous me dire où il est ?» Potrebbe dirmi dov'è ? C'est ça. Potrebbe dirmi dov'è. Dites-moi maintenant « je dois ». Devo. Devo. Et vous devez ? Deva. Deva. Quel est l'infinitif, le verbe devoir ? Dovere. Oui, dovere. Ce n'est pas un verbe en are, mais en ere. Donc, je dois, encore une fois, c'est... Devo. Devo, oui. Au lieu de deva. Donc, je dois, devo. Et vous devez, comment ça se dit ? Deve. Deve, effectivement. Et non pas deva. Deve, deve. Comment dit-on attendre ? Aspettare. Aspettare. Donc, vous devez m'attendre, se dira. Deve aspettarmi. Deve aspettarmi. C'est ça. Et maintenant, au conditionnel, comment diriez-vous « vous devriez m'attendre » ? Dovrebbe aspettarmi. Dovrebbe, dovrebbe, dovrebbe aspettarmi. Avec le « rebbe » qui correspond à « il », « elle » ou « au vouvoiement ». Voyons maintenant quelques phrases avec « potere ». Dites-moi d'abord, pouvez-vous m'attendre ? Può aspettarmi ? C'est ça, può aspettarmi. Et maintenant, le conditionnel. Pourriez-vous m'attendre ? Potrebbe aspettarmi ? Très bien, potrebbe aspettarmi. Imaginez que la réponse soit « Je suis désolé, mais je ne peux pas vous attendre maintenant » parce que je vais partir bientôt. Comment diriez-vous ça ? Mi dispiace. Mais ? Ma ? Je ne peux pas vous attendre maintenant. Non posso aspettar là. Reprenez depuis le début, s'il vous plaît. Mi dispiace, ma non posso aspettar là. Maintenant ? Ora. Parce que je vais partir bientôt. Perché partirò? Bientôt. Prêt? Presto? Oui, partirò ou alors, au lieu de partirò, le présent tout simplement. Parto. Parto. Parto presto. Bien. Non posso aspettarla ora perché parto presto. Comment diriez-vous maintenant « je devrais partir demain », c'est-à-dire en futur? Devrò. C'est dovrò, en fait. On retrouve le O de l'infinitif au futur. Dovrò. Dovrò partire domani. Bien. Dovrò, au lieu de devrò, dovrò, parce qu'à l'infinitif, c'est dovere. Donc, dovrò partire domani. Vous allez dire maintenant, à quelle heure devrez-vous partir? À quelle heure? Devrez-vous partir? Dovrà partire. Bien. À che ora dovrà partire? Et maintenant, dites-moi, nous devrons partir. Dovremo partire. Dovremo partire, voilà. Comment diriez-vous, nous devrions partir? Dovremmo partire. Oui, dovremmo. Dovremmo partire, c'est ça. Il faut qu'on entende clairement la différence avec le futur de la phrase précédente. Dovremmo, futur, et dovremmo, conditionnel. Comment dit-on « je devrais partir » au futur? Dovrei partire. Pas le conditionnel, mais le futur. Dovrò partire. C'est ça, oui. Dovrò partire. Maintenant, vous pouvez y aller pour le conditionnel. Dites-moi, je devrais partir. Dovrei partire. Voilà. Dovrei partire. Et de nouveau le futur, du verbe pouvoir cette fois. Dites-moi, je pourrais partir. Potrò partire. Bien. Potrò partire. Comment diriez-vous « je pourrais partir » un conditionnel cette fois. Potrei partire. Potrei partire, exact. Et comment dites-vous « je pourrais partir demain » toujours au conditionnel. Potrei partire domani. Potrei partire domani, voilà. Et maintenant un futur. Je devrais partir demain. Dovrò partire domani. Bien. Dovrò partire domani. Comment dites-vous ensuite « je devrais partir demain » au conditionnel? Dovrei partire domani. Mm-hmm. Dovrei partire domani. Et « il devrait partir demain », comment dites-vous ça? Dovrebbe. Bien. Dovrebbe partire domani. Voilà. Dovrebbe partire domani. Il devrait partir demain. Comment diriez-vous maintenant au conditionnel « je pourrais le faire pour vous demain » Potrò. Ça c'est « je pourrais ». C'est un futur. Je vous ai demandé le conditionnel. Potrei farlo per lei domani. Oui, voilà. Potrei farlo per lei domani. Et maintenant, dites « je ne pourrais pas le faire comme ça ». Non potrei farlo così. Non potrei farlo così. C'est ça. Comment diriez-vous « pourriez-vous le faire » Potrebbe farlo. Oui, potrebbe farlo. C'est ça. Potrebbe farlo.